D'ailleurs, la question a été posée ce soir-là. Est-ce qu'on continue à faire des randos, en fait? Pas de police municipale, est-ce qu'on continue? Et voilà, c'était dans la balance. Ça a été vite écarté, mais la question a été posée. Ou suffisamment vite pour pas bloquer ben, la rue très longtemps. On les invite à monter dans le camion pour la descente et puis ben, une fois la descente passée, comme on dit, on les relâche et on les On les libère et libère. puis ils viennent poursuivre la randonnée, quoi. Le panier à salade. Refuser absolument l'entrée dans le cortège d'un vélo ou d'un livreur en scooter. Aujourd'hui, on a plutôt, et ça c'est intégré vraiment par tous les signaleurs, ça fait partie un petit peu de la philosophie, on essaie plutôt d'accompagner le danger maintenant. C'est-à-dire que on va emmener le vélo, on va emmener le livreur en scooter, et on va, nous, signaleurs, prévenir tous les randonneurs qu'il y a il y a un obstacle qui est en train de les remonter. Et on a un super bon exemple où on a eu un petit accrochage une fois sur le rond-point de la place de la République, où bah, au moment de repartir, il y a une voiture qui a forcé le passage et qui a tellement bien forcé le passage que le signaleur qui a eu le réflexe de se pousser a poussé la voiture, mais en poussant la voiture, a cassé la fenêtre de la voiture. On a essayé de faire vivre hein, les réseaux sociaux, mais c'est pas si simple que ça quand on n'a pas de rando à proposer, quoi. Parce qu'effectivement, eux, à Grenoble, du fait de la saison de ski et de l'hiver qui est beaucoup plus présent chez eux qu'on peut l'avoir chez nous, bah, l'hiver, ils tournent pas. Leur saison, c'est avril, septembre, voire octobre quand il fait beau. Du fait que Nantroleur participe depuis 2005, aux 24 heures du Mans, qui est quand même la grosse vitrine du roller. Nous sommes le 18 mars 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de roller en ligne. Alors, ce soir, je vais recevoir donc deux membres de Nantes Roller. Donc, Nantes Roller, c'est l'association sur Nantes qui propose une randonnée roller tous les jeudis soirs. Et donc, j'ai avec moi Arnaud et Denis. Et puis, bah, je vais demander à Arnaud de commencer à se présenter. Salut Philippe, merci de nous donner la parole. Eh bien, moi, je suis Arnaud. Depuis 2019, j'ai la chance d'être président de l'association Nantes Roller. Mais c'était pas la première chose que j'ai faite, puisque Nantes Roller, j'y vais depuis 2007, à peu près. D'abord comme randonneur, et puis 2007 ensuite, ou 2017, vite. Tu as dit 2007. 2007, d'accord. 2007 et en tant que randonneur d'abord et assez vite en tant que signaleur parce que voilà c'était un petit peu à ça que avec ça que je prenais mon pied sur le roller quand même. D'accord. Et donc Denis, toi, est-ce que tu peux te présenter? Merci de cette proposition d'interview. Donc moi Denis, participe au roller au rando de Nantes roller depuis 2009. Très vite intégré dans le groupe de signaleurs et présent tous les jeudis depuis cette date-là. Quoi. Et j'ai intégré le bureau l'an dernier. Et tu occupes quelle position au bureau? Alors, actuellement, je suis secrétaire dans le bureau et je suis responsable signaleur depuis 2011 ou 2012, à peu près. Depuis un moment. Depuis tellement longtemps que je ne sais plus. J'ai différents postes dans l'association qui me permettent de gérer avec l'ensemble des autres. Je vais me permettre de rajouter, parce que c'est la modestie de Denis, c'est notre multicasquette. Parce qu'il est aussi responsable secouriste, il est aussi responsable signaleur, il peut faire tous les postes. Et puis, il est aussi notre référent parcours. Lui qui fait en sorte qu'on ait des parcours bien, bien faits. Voilà. D'accord. Donc le couteau suisse, et il est aussi préposé à répondre aux interviews, le pauvre. Ok, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui pourrait me présenter rapidement l'association ? Oui, le président va s'occuper de ça, il n'y a pas de souci. Donc en fait, Nantroller, qui a été créé en 2003, a pour but d'organiser, d'encadrer et de sécuriser les rando-rollers. Que des rando-rollers soient ouvertes à tous, gratuites, et que ça se passe tous les jeudis de toute l'année. Voilà la charge de Nantroller. Ce que Nantroller ne fait pas, par contre, c'est de donner des cours. Nantroller est une association qui organise les randos, mais n'est pas un club qui donne des cours de roller. Donc c'est pour ça qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais lors d'une rando, il y a toujours un tour de chauffe pour vérifier que les gens ont bien la compétence à freiner et à tourner. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour leur apprendre à le faire, en fait. On est là pour leur permettre de rouler, de s'amuser, de découvrir Nantes avec des rollers et en toute sécurité. Ok. Eh ben c'est très bien. Donc, est-ce que maintenant, on pourra avoir une présentation plus détaillée avec l'historique de cette association ? Ouais, alors je vais m'en charger. Alors, l'association elle a été fondée en décembre 2002 avec le nom Roller in Nantes. Un autre nom, c'était à l'initiative de Cédric Monet et de Nicolas Théine, qui était à la mairie, celui-ci. C'était suite aux fortes affluences à demande de la mairie, où il y avait tous les jeudis des randos sauvages qui étaient organisés par un groupe Ross Squad. Et la mairie soit un peu plus cadré, un peu plus sécurisé, parce que quand il y a 800 bus qui baladent dans Nantes en roller, ça peut poser problème. Et donc l'association a été créée comme ça. Et la première rando officielle encadrée a été faite. Alors les dates divergent suivant les documents qu'on a. Soit c'était le 1er mai, soit c'était le 10 avril 2003, avec le parcours numéro 1 La Beaujoire. Et pour la petite anecdote, celui-ci n'a pas changé, enfin a eu une seule modification depuis sa création, c'est le passage par Strasbourg, alors qu'initialement c'était un aller-retour sur 50 otages. D'accord, donc ce sont des rues à Nantes, hein, je précise qu'on ne s'amuse pas à faire Nantes-Strasbourg en roller tous les jeudis soirs. Ce serait un peu long. Alors vous dites que la mairie est venue, qui est venu voir qui en fait, qui de la mairie est venu voir quelqu'un pour dire oh maintenant vous arrêtez de faire ça à l'arrache et vous faites les choses dans l'ordre sinon ça va pas pouvoir durer. On n'a pas le nom précis, mais c'était à l'initiative, je pense, de la tranquillité publique et de relations sport qui sont venus voir les gens le jeudi et ont demandé à quelqu'un. Enfin, je pense que c'était l'impulsion du moment qui a fait que l'association s'est créée et a permis de faire perdurer le roller le jeudi soir. Et vous savez combien il y avait de personnes en gros qui faisaient des randonnées à ce moment-là? Avant l'association, les chiffres qu'on a donc sur les randonnées officielles, on pouvait aller en estival jusqu'à 500 personnes et en rando moyenne sur l'année, sur une moyenne annuelle, on était sur 100 participants moyens, sachant qu'il n'y avait pas autant de randonnées qu'actuellement, puisqu'on l'a sur les meilleures années de 2003 à 2010. Les chiffres indiquent une moyenne de 15 à 20 randonnées dans l'année. D'accord, donc en fait, oui, ouais. Ah, plus qu'une par mois, mais... Voilà, plus qu'une par mois, mais pas beaucoup plus. Actuellement, on est plutôt... La meilleure année qu'on ait faite, je crois que c'est 2010 ou 2011, où on avait fait 42 randonnées sur 52 semaines. Là, actuellement, on tourne entre 33 et 34 randonnées. D'accord. Et les dernières années, on est sur une trentaine de rondos par an, en fait. Ouais. On met 2020 à part, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est souvent lié, en fait, à la météo qui ne nous permet pas de rouler. Quoi. Oui, parce que le public répond présent, en fait, à chaque fois, mais la météo, elle, fait des caprices. Ouais. Et donc, pour continuer sur l'historique, en 2004, l'association change de nom et devient Nantrôleur. Le président Cédric Monet, créateur, passe la main en 2006 à une nouvelle équipe qui s'est formée autour de Gérard Tagnou et qui a passé la main après 12 ans à la nouvelle équipe qui est actuellement en place. Voilà, dans les grandes lignes. Après, il y a eu différentes étapes de l'engouement du roller jusqu'aux périodes un peu plus compliquées où on a eu des difficultés à avoir des participants parce que le roller était moins en vogue, on va dire. Ouais, donc est-ce que le but de l'association a changé? En fait, quand on dépose les statuts, il faut qu'il y ait un but pour chaque association. Et est-ce que ça a changé depuis le début? Non. C'est toujours le même. C'est toujours le même but. Donc, organiser les randos. Et, alors, le terme exact, je crois qu'en préambule, c'était de promouvoir les déplacements doux en ville. Et en particulier le roller. C'est encore marqué dans les statuts. D'accord. Et donc, qui est-ce qui... c'est que des rollers qui roulent ou est-ce qu'il y a d'autres moyens comme le skate ou les trottinettes ou autres, les vélos? Alors, à l'origine, c'était que des rollers. Et puis, c'est venu se greffer un petit peu des monocycles. On a vu apparaître aussi des skates, enfin des longboards plutôt. On n'a jamais eu de trottinette. Enfin, je ne me rappelle pas en tout cas. Et de temps en temps, on a des vélos accompagnateurs parce que soit il y a des jeunes mineurs ou soit il y a des gens qui viennent avec leurs conjoints et eux viennent avec leur vélo. C'est très rare. Mais avec l'affluence baissante et puis ça vient par vague hein, finalement, l'affluence au rando, du coup on a intégré aussi d'autres modes de déplacement. Alors Arnaud, quand tu parles, je t'entends. Des fois je t'entends très bien et des fois je t'entends quasiment plus. Ah ok, excuse-moi. J'ai l'impression que tu parles pas toujours devant ton micro. Ok, je vais voir si je peux changer de micro alors du coup. Ouais. Et je confirme, hein, depuis la création du premier texte de l'association en 2002 et le texte qui est de la, enfin les statuts de l'association qui sont accessibles sur notre site nantroller.com, l'objet, l'article 2, l'objet de l'association n'a pas du tout changé d'une ligne, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme évolution dans l'association et puis notamment les affluences qui, je suppose, à partir de quand elles ont augmenté ou décliné? Et ben, l'association, au fur et à mesure, donc moi je peux me parler que depuis que j'y suis, depuis 2009, donc depuis sa création jusqu'à 2012, on avait une forte affluence régulière, on avait de nombreux nouveaux, de nombreuses participations, des randonnées événementielles qui étaient assez suivies, qui des randonnées avec des parcours découvertes ou des parcours pour enfants, des randonnées à thème, carnaval et autres, rando déguisé, rando des lumières pour Noël. Rando bataille d'eau aussi, c'est une des la splash, plus populaires, la splash, rando splash. Une des grandes favorites puisqu'elle est estivale, elle se passe en début juillet et c'est celle qui, depuis qu'elle existe, amène le plus de monde, on va dire, le plus de participants. Ouais, elle est très appréciée, celle-ci. On a fait aussi, on a participé à de nombreuses sorties en partenariat avec d'autres associations roller du bassin nantais. À une époque, on a fait toutes les sorties, ils ont co-organisé l'encadrement des randonnées pour le... Zut. Je ne trouve plus le nom du patelin. Je suis encore paumé dans mes villes. Comment s'appelle cette ville au sud de Nantes? La randonnée de Château-Thébault, qui était à l'époque une randonnée pédestre, vélo, et roller, puisqu'il y avait des gens qui faisaient du roller là-bas. Et c'était le but de faire une balade dans les vignes et puis d'aller voir les vignerons sur la période d'ouverture des caves. Il y avait aussi, sur la période 2009-2014, beaucoup de sorties le dimanche. C'est-à-dire qu'au-delà de la rando du jeudi, on complétait avec une sortie les dimanches après-midi. Alors ça, c'était officiel ou officieux ? Ça, c'était des officieux, c'était organisé de façon officieuse, en randonnée sauvage, comme on aime à les appeler, ou en plantée de patates. Mais c'était toujours via le forum Nantroller, donc les gens savaient où aller chercher l'information s'il y avait une randonnée. De la même façon, il y avait des sorties le mardi soir qui se faisaient en dessous le parking de IKEA. Et là, pour le coup, il y a quelques-uns des adhérents qui se dévouaient pour apprendre aux gens à freiner, à tourner, à s'arrêter et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu la grande période IKEA aussi. Il y a eu une grande période IKEA, ça permettait aussi de se défouler, à faire du hockey sur parking. Mais c'était surtout l'occasion de faire progresser des gens qui ensuite allaient venir à la rando du jeudi. Et puis aussi faire d'autres, avec aussi des anciens encadrants de la rando qui faisaient des sauvages, mais dans Saint-Herblain ou Orvault, des randos nocturnes également, mais dans un autre cadre et dans une autre ambiance. Voilà, c'était un peu moins carré, c'était un peu plus souple. On passait souvent par des rues un peu bizarres, mais c'était aussi un autre charme. C'était assez sympa. Donc ça faisait trois rencontres dans la semaine. Ça permettait à chacun d'y trouver son compte. C'est ça. Dont une officielle et deux versions alternatives qui se faisaient souvent par oui-dire et copinage. Oui, ouais. Et en fait, là, vous touchiez un public vraiment d'amateurs. Et est-ce qu'il y a des... Parce que sur Nantes et les alentours, il y a énormément de clubs de rollers. Mmh. Et est-ce que c'est les personnes qui font partie des clubs viennent à votre randonnée ? Eh ben... Pas tant que ça, en réalité, parce que je pense que pour avoir été en contact avec pas mal de clubs, en fait, les clubs ont déjà des agendas très très chargés avec les entraînements. Beaucoup de clubs ont trois, des fois quatre entraînements par semaine, et donc les gamins qui sont au club ne viennent pas forcément à la rando du jeudi. Mais il arrive qu'ils se décident à venir pendant les vacances d'été. Quand les compètes sont terminées, quand le championnat de France quand le championnat de France est terminé, en juillet, en août, ça arrive il nous arrive de rencontrer des gamins qui sont en tenue avec leur combinaison et avec leurs patins de course. Les clubs ne fournissent des participants qu'en été final. Ouais, ou ouais. Sur certaines vacances ponctuellement, effectivement. Voilà. On n'a jamais vraiment réussi à maintenir un lien direct avec les clubs pour promouvoir la randonnée, en fait, parce que les clubs de Nantes sont essentiellement des clubs de course, et la randonnée, pour eux, c'est un moyen de faire du roller, mais c'est pas un but en soi. Voilà, donc on n'a pas forcément la même vision. C'est pas la même pratique. C'est pas la même pratique, voilà. C'est le roller, ça a quatre grandes pratiques. Hein. Moi, initialement, je viens du roller hockey et je me suis mis à la randonnée essentiellement en arrivant à Nantes parce que j'avais pas envie de reprendre le roller hockey et j'ai trouvé un autre plaisir à patiner. Et avec la randonnée, je me suis mis à faire ce que fait aussi Nantroller, enfin participe Nantroller, elle les organise pas. C'est des courses d'endurance, quoi. Il y a un autre moyen de se faire plaisir et de se dépasser. Et donc, quand les clubs viennent pendant les vacances, c'est souvent des personnes de quel âge ? Moi, j'ai vu pas mal de jeunes. C'est très relatif. C'est ça. Alors, les jeunes, on va dire que ça peut être des gamins de 5 ans. Je pense à mon fils qui a commencé comme ça. Mais c'est plutôt des adolescents. On va dire, de 14 à 18, 20 ans, quoi. D'accord, ok. Il y a également des groupes... Pour les soins, jeunes adultes, bien sûr. Mm-hmm. Il y a également aussi des groupes de clubs qui sont dans les sections randonnées, qui se disent, bah tiens, pour une fois, on va aller faire la randonnée de Nantes, quoi. sur un parcours qu'ils aiment bien. Donc ils viennent à 3-4 adultes, âge moyen 35-40. Quoi. D'accord. C'est vrai que la randonnée, on a tout âge. Hein. Notre doyen, même si ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, Michel, il doit avoir dépassé les 70 ans, si ce n'est plus. Oui, quand même, ouais. Ok, et ben, est-ce qu'on pourrait donc maintenant avoir les chiffres de l'année dernière de l'association, enfin ce nombre de participants aux randonnées, etc. Eh bien, si on met quelques chiffres dans l'assaut, on va dire 6, c'est le nombre de personnes dans le bureau qui font tourner l'assaut, en fait. Mmh. Donc ça va être président, ensuite, secrétaire, trésorier et les adjoints. Et tous les adjoints, exactement. Ouais. C'est exactement ça. En termes d'adhésion, l'année dernière, plutôt 40 adhésions. C'est ça. L'année d'avant, 37. Et l'année d'avant, en fait, on a changé le mode d'adhésion, enfin la période d'adhésion. On s'est calqué sur la période club. C'est-à-dire que depuis le début, les adhésions, c'était toujours de janvier à décembre, jusqu'en 2019. Et à partir de 2019, on a fait plutôt de septembre à août. Donc c'est pour ça qu'on n'a fait que 37 adhésions en 2019. Et avant, ça tournait aux alentours de la cinquantaine d'adhésions. La meilleure année qu'on ait faite, c'était le pic du roller en France, c'était 2009, où là on avait fait 112 adhésions. Le truc, c'est que le nombre d'adhésions reflète à peu près l'engouement pour le roller, mais on n'est pas obligé d'être adhérent pour participer à la rando. Donc on parle de 40 adhérents par exemple pour l'année dernière, mais on avait en moyenne, sur les quelques randos qui ont pu avoir lieu l'année dernière, ça a fait une moyenne de 50 participants. Oui. 2020, on a réussi à faire 14 randos. Avec cette moyenne de 50 participants, on a eu un pic à 77. En 2019, on a pu faire 31 randos, avec 55 participants en moyenne. Alors qu'on n'avait qu'à peine 40 adhérents. Et on a eu un pic de 112 participants en 2019. Voilà. Les mêmes chiffres à peu près en 2018, hein, 30 randos, 44 participants avec un pic à 95. Voilà à peu près quelques chiffres des trois dernières années. Ok. Et alors les participants, vous les comptez au début de la randonnée ou à la fin de la randonnée ? Alors on compte pendant le tour de chauffe d'abord, au tout début, et au milieu du tour de chauffe. Et puis après, le coordinateur, il essaye de regarder un petit peu si on perd quelques randonneurs ou si on en gagne. Eh oui, parce que c'est vrai que oui, on peut aussi en gagner, c'est vrai. En cours de parcours, c'est très très rare parce qu'en fait, comme on part de l'hôtel Dieu en plein centre de Nantes et qu'on revient à ce même endroit-là, quelqu'un qui va sortir de la rando sait qu'en général, il habite juste à côté et il n'a pas envie de refaire tout le parcours pour rentrer chez lui. Donc il s'arrête. Il s'arrête à un moment du parcours, voilà, parce qu'il avait autre chose à faire. Mais c'est très rare. En fait, une fois que le tour de chauffe est terminé, on emmène tout le monde jusqu'au bout. Très bien. Est-ce qu'on pourrait maintenant passer au compte de l'association ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'association vit essentiellement, comme beaucoup, majoritairement, des subventions de la mairie. On a une enveloppe annuelle d'environ 3000 euros. Même si ces deux dernières années, on a demandé moins parce qu'on n'en avait pas l'utilité, parce qu'on avait aussi eu une dotation exceptionnelle pour des équipements de sécurité vu en prévision du départ de l'accompagnement de la police municipale. Donc on tourne actuellement avec une subvention de 1500 et 1700 euros. Et notre adhésion a été longtemps à 15 euros et on l'a passé à 20 euros pour une facilité de paiement, même si depuis 2019 et même, je crois, l'année précédente, on est passé essentiellement à des adhésions dématérialisées via Eloasso. Avec Eloasso, ouais. Donc on a des comptes qui sont stables depuis pas mal d'années. On avait eu en 2000, de 2012 à 2017 des comptes dans le positif parce qu'on avait un objectif à 5 ans de faire le changement du camion qui arrivait en fin de vie. Enfin, surtout au niveau des kilomètres, l'ensemble fonctionnait très bien, mais le kilométrage commençait à risquer de nous lâcher. Donc on a acheté un nouveau camion en 2018, il me semble, ce qui a permis de garder les comptes à l'équilibre et puis de réduire la somme qu'on avait en banque. Mais voilà. C'est ça. Et on a eu une dotation exceptionnelle quasiment tous les ans pour participer aux 24 heures du Mans, pour nous aider à transporter tous les adhérents qui souhaitaient y participer. Donc, par la mairie Par la mairie, exactement. Ah oui. Exactement. Et l'année dernière, comme évoqué Denis, on a eu une dotation exceptionnelle parce que la rando a dû se réorganiser suite au désengagement de la police municipale. Donc là, on a mis un point d'honneur à augmenter le niveau de sécurité. Et donc, ça passait forcément par des investissements de matériel. Voilà. D'accord. Ok, bah, je crois qu'on va pouvoir passer donc maintenant au fonctionnement de... Oui ? Ouais, pas de souci. Donc au fonctionnement de l'association, comment est-ce que vous fonctionnez ? Combien de réunions vous avez par année, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui y participent? Eh ben, on fait une AG, une assemblée générale par an. Et il y a en général la moitié des adhérents qui y participent. Denis, je raconte des bêtises ou je suis pas loin de la vérité? Oui, en moyenne, sur l'ensemble, peu importe le nombre d'adhérents, on est soit au minimum la moitié des adhérents, soit sur les meilleures années, on était à 50, quoi. Donc on tourne entre 20 et 50 personnes sur les AG, suivant le nombre d'adhésions. Et vous faites quand cet AG par rapport à la date de réadhésion possible? Eh bien, on l'a fait au mois de janvier, en fait, parce que même si on a changé les dates d'adhésion, on a gardé, en fait, les années janvier-décembre comme année référence pour les assemblées générales. D'accord. Parce que c'est aussi l'année comptable, en fait, c'est pour solder les comptes. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Oui. Donc pour le moment, ça pose pas trop de problèmes, mais on verra avec l'évolution dans le temps si ça doit se décaler. Pourquoi pas? On décalera ça aussi. Oui. Pour les réunions, on en fait une par mois, sauf en 4 jours fériés ou au mois d'août où on n'en fait pas, quand il n'y a personne de dispo. Ouais. Et généralement, y a les 6 membres du bureau aussi, ou 5 suivant la dispo de chacun. Et on a... entre 4, 5 et 10 adhérents, et notamment très régulièrement les membres du CA qui viennent aux réunions. Et ces réunions-là nous permettent de planifier, d'organiser pas forcément les randonnées, puisqu'elles s'organisent de façon assez automatique via tous les mécanismes en interne qui ont été mis en place, mais plus pour organiser des événements à l'assaut ou décider si on participe à des courses ou s'organiser, planifier des événements, notamment les 24 heures du Mans, le week-end d'entrôleur. Voilà. C'est aussi l'occasion aux adhérents de faire remonter des nouvelles idées ou de d'émettre des nouveaux besoins. Je pense aux responsables secouristes qui, c'est souvent l'occasion de dire, bon, bah, au niveau du matériel, peut-être qu'il faudrait investir là-dedans ou on a besoin de réapprovisionner en ceci ou en cela. C'est cette occasion-là qui est donnée à tous les adhérents tous les mois. Et donc lors de cette réunion, elle a lieu en physique ou à distance? Eh ben, traditionnellement, c'est physique. On a une salle de réunion qui nous est mise à disposition par la mairie. Donc, c'est le troisième mercredi de chaque mois à 20h45. Du côté de Pierre-Mille, à Nantes. Donc c'est réservé aux adhérents, parce que voilà, la parole est donnée aux adhérents. Mais c'est en physique. Depuis le Covid, on a fait plusieurs... alors on en a fait quelques-unes dehors, avec distanciation sociale, quand le temps l'a permis. C'était aussi l'occasion de se faire un pique-nique. Et puis, on a essayé avec la visio. À vrai dire, avec l'arrêt des randos depuis le Covid, les réunions mensuelles n'étaient plus nécessaires. Donc, en fait, l'association en ce moment est en stand-by. On attend avec impatience la reprise. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des votes dans ces réunions ou... et qui a le droit de voter ? Denis, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il y a régulièrement des votes dans ces réunions-là. C'est aussi à ça qu'elles servent, parce qu'on est très ouvert à l'avis de chacun et on le souhaite, on le demande. Donc souvent on fait des votes classiquement à main levée sur des sujets donnés. Pas des sujets qui touchent l'ensemble de l'association, comme une modification du coût de l'adhésion ou certains critères de certains éléments qui, elles, nécessitent. Mais par exemple, le nom des équipes qui vont participer aux 24 heures du Mans, ou le choix d'un dessin pour le maillot, le fait de s'organiser pour tel ou tel événement. C'est ce genre de vote et d'échange, surtout avant de vote, bien prendre l'avis de chacun pour faire au mieux, quoi, et plaire au plus grand nombre. On va dire que c'est un mode démocratique dans l'association. Et puis les adhérents qui peuvent pas se déplacer, qui sont indisponibles ce soir-là et qui pour autant ont pris connaissance du sujet, peuvent donner dérogation de leur vote à quelqu'un de confiance et du coup peuvent participer aussi aux prises de décision. Donc même si on n'est pas disponible ce soir-là, on peut quand même donner son avis. Ouais. Alors comment vous faites pour communiquer ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un forum. Il est actif, ce forum ? C'est par là, ce biais-là que vous communiquez ? C'est le canal historique, le forum. Hein. Ouais. Denis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment par là que la plupart des communications se faisaient. Maintenant, je dirais 50-50 entre le forum et Facebook, probablement. Oui, c'est ça. Le forum reste un canal classique d'échange, puisqu'il est associé au site et qui est lié à toute notre mécanique électronique de gestion des randonnées, mais aussi, par exemple, de gestion des réunions. C'est-à-dire que les réunions, on allait poster l'ordre du jour est posté sur le forum avec un article dédié. Les gens peuvent dire s'ils viennent, s'ils viennent pas, à qui ils donnent leur voix aux besoins, s'ils donnent directement leur avis sur les sujets. Ça reste un lieu d'échange, même si lors de sa création c'était très utile, les gens allaient souvent sur les forums, c'était très très utilisé. Depuis la création des sites comme Facebook, Tinder, Instagram, c'est vrai que les forums ont perdu un peu de leur attrait, mais nous il nous est toujours utile parce que ça nous permet de garder un historique sur ce qui a été fait, puisque chaque déclaration de randonnée y apparaît et à la fin de chaque randonnée on indique que ce qui s'est passé, ça nous fait un petit canal, un petit journal d'histoire. Et puis, on a aussi beaucoup d'échanges autres que la randonnée. On a dessus des gens qui organisent, tu l'as fait également, Philippe, proposer des randonnées libres, sauvages, en dehors de l'organisation d'entrôleurs. Ça permet aussi à des gens de proposer des sorties au roller. De fêter des anniversaires, de garder un lien électronique hors mail, téléphone, permettant de garder une cohésion du groupe. Quoi. Une petite dynamique. Je vais juste préciser un tout petit quelque chose en termes de réseaux sociaux. Nantroller n'est que sur Facebook et Instagram, hein. Rien d'autre. On a cité quelques-uns, Denis, qu'il y en a un, c'est pas du tout notre. On l'a plus Tinder ou on l'avait abandonné? Tinder, je crois qu'on n'a jamais été. Denis, c'est pas du tout notre cible. Non, pardon. Comment il s'appelle celui où tu fais des hashtags à la con là? Twitter. C'est Twitter, pas ça? Oui, c'est pareil. Ouais, c'est presque pareil. C'est pas grand-chose. Ouais. Et. En termes de canal de communication, on a aussi ajouté un groupe Telegram maintenant, en messagerie instantanée pour que le conseil d'administration, c'est-à-dire tous les responsables de poste et le bureau, puissent échanger assez facilement c'est plus simple que par email. C'était plus simple et plus confidentiel, entre guillemets, que passer par le forum, en fait. Donc, il y a aussi un groupe Telegram, désormais. D'accord. Moi, je suis toujours étonné du nombre, en fait, de canaux de communication qu'on a, et je me demande si... Alors, chacun a des avantages, chacun a des inconvénients, mais c'est vrai que multiplier les canaux, c'est des fois, c'est pas toujours... Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un canal par type de sujet, ou en tout cas par type de communication. Parce que là, je t'ai pas parlé du téléphone. Il y a le canal téléphone, il y a le canal se rencontrer chez les uns et les autres, parce que le bureau se rencontre aussi chez les uns et chez les autres pour préparer les réunions et puis pour discuter, tout simplement. Donc, il y a aussi ce canal-là, mais le forum a son objet, finalement. C'est l'ouverture sur le grand public, le forum. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Comme Facebook, c'est aussi pour satisfaire les 30-40 ans, je crois que c'est maintenant à peu près ça, hein, 30 ou quarantenaires, qui sont aussi dessus. Et donc, voilà, on communique la même chose sur le forum que sur Facebook, même si le forum, on peut aller plus dans le détail, parce que ça s'y prête, en fait. Et il y a un responsable pour chaque canal, enfin, qui va faire les... Et l'ordre du jour et les comptes rendus des réunions et tout ça, en fait, qui s'en occupe? Alors, sur le forum, on a des adhérents qui sont dans le bureau, en fait, hein. On a des membres du bureau qui sont comment est-ce que ça s'appelle, actifs. On fait gaffe quand même à ce qui est posté, donc on a un petit rôle de modérateur quand même. Ça, c'est sur le forum. Sur Facebook et Instagram, on a Clem et Ellie, qui font un super boulot pour animer les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est super, je les remercie. Merci les filles. Ok, alors maintenant, on va peut-être pouvoir enfin commencer à parler du fonctionnement d'une randonnée. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait la police municipale, maintenant qu'elle est plus là. Alors, la randonnée, déjà, c'est... Donc, on a dit, c'est le jeudi soir. C'est de quelle heure c'est à quelle heure? Ça dure combien de temps? On se donne tous rendez-vous place Alexandre Ricordeau devant l'hôtel de ville à 20h15 pour pouvoir partir prêt et dispo à 20h45. Ouais. En règle générale, on est de retour au même point entre 22h45 et 23h. Et on a fait combien de kilomètres? Et on a fait environ... 2 km de tour de chauffe, et ensuite on part en général pour une quinzaine de kilomètres. Ça, le parcours le plus court fait 12,5 km et le plus long fait 17,9 km sans le tour de chauffe. Donc, c'est le seul parcours d'ailleurs où on enlève le tour de chauffe, parce que sinon ça fait un peu trop de kilomètres et ça nous fait, suivant les participants, rentrer un peu trop tard. C'est ça. Donc la rando ne peut avoir lieu que... parce qu'il y a un arrêté municipal qui nous permet de le faire. C'est un arrêté municipal qui nous permet d'utiliser la chaussée, la partie droite de la chaussée. Ça ne nous permet pas de rouler sur les trottoirs. Donc ça, on le rappelle au début de chaque rando. C'est-à-dire qu'à 20h30, 20h15, 20h30, il y a le camion de Nantroller qui est en fait le camion balai pendant la rando, qui arrive sur le skatepark place Alexandre Ricordeau. Et là, il y a les encadrants qui viennent autour du camion qui commencent à se préparer. Les randonneurs arrivent un petit peu au fur et à mesure du temps, s'échauffent un petit peu s'ils le souhaitent. Et ensuite, quand tout le monde est prêt, le coordonnateur peut alors donner le feu vert pour un départ. Et on y va. Alors, c'est-à-dire que... Attends, tu me parles de coordonnateur. Il y a combien de rôles, en fait? Enfin, je vais te laisser peut-être parler. T'inquiète pas. Là, ce dont je vais te parler là, cette organisation-là, c'est l'organisation actuelle, qui est un tout petit peu différente de ce qu'on a pu connaître dans l'histoire de Nantroller. C'est-à-dire que Nantroller, parce que la mairie de Nantes a demandé à ce qu'il y ait un encadrement, a demandé à ce qu'il y ait une association qui cadre ces rando-rollers, a mis à disposition la police municipale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Nantroller avait à l'avant du cortège une voiture de police, deux roues, soit des motos, soit des vélos, et une camionnette de police à l'arrière, derrière le camion balai de Nantroller. Ah, donc ça faisait du monde. Super bien encadré. C'était vraiment pas mal. Ça donnait une sécurité vraiment, vraiment importante à tout le cortège. On nous voyait arriver loin. Les voitures qui avaient envie de nous emmerder un tout petit peu, elles voyaient le gyrophare et puis ça les calmait assez vite. Avec le temps, avec l'augmentation des tâches à faire par la police municipale, il y a des équipages qui ont commencé à disparaître. Donc d'abord, on a retiré les deux roues. Et ensuite, la voiture de devant a été retirée. Donc on s'est retrouvé nous, en de front, c'est-à-dire que les signaleurs de devant le cortège étaient vraiment les premiers à arriver sur les cartes. On avait quand même gardé la voiture de derrière et à partir de 2019, milieu 2019, la police municipale nous a reçus et nous a dit qu'ils souhaitaient se désengager. Mais qu'ils ne voulaient pas se désengager comme ça d'un seul coup. Ils voulaient aussi d'abord nous accompagner à rendre la sécurité plus importante et totalement autonome. C'est ce qu'on a fait. En fait, c'est le gros travail qui a eu lieu. Deuxième partie de 2019, on a pu mettre en place début 2020 cette organisation que je peux te présenter là. C'est-à-dire que à l'avant de la rondo, on a un responsable signaleur qui est vêtu d'un chasuble jaune particulier et il va emmener environ 16 signaleurs avec lui. Les signaleurs, eux, au fur et à mesure de l'avancée du cortège, vont aller bloquer les carrefours, laisser passer le cortège. Et une fois que le cortège est arrivé au camion balai, le signaleur va pouvoir remonter la rando par la gauche toujours et ensuite continuer à aller bloquer les carrefours jusqu'au point d'arrêt suivant. C'est-à-dire que le cortège va aller s'arrêter tous les 2 kilomètres à peu près, ne serait-ce que pour permettre à tout le monde de faire une petite pause, mais aussi d'éviter que le cortège ne s'éparpille pas trop, ne fasse pas un accordéon trop important pour éviter de faire attendre les voitures trop longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un élément de sécurité aussi. Alors, quels sont les... Excuse-moi de t'arrêter, c'est quoi les risques, en fait, pour une randonnée roller et pourquoi la police était la bienvenue et qu'est-ce que ça change qu'elle soit partie, là? On aimait bien avoir la police parce que le risque, si tu veux, c'est que le risque le plus important, c'est qu'il y ait une voiture qui refuse de s'arrêter et qui traverse le cortège. Grand danger. Un piéton comme un gars en roller face à une bagnole, il va pas. Voilà, on sait qui gagne. Donc en fait, le risque, il est là. Et ça nous est arrivé, en fait, dans la vie de chaque encadrant, de chaque signaleur, ça nous est arrivé d'avoir des automobilistes un peu récalcitrants, un peu pressés, un peu de mauvaise humeur, qui veulent pas s'arrêter. Mais bon, pour autant, la rando, elle est en train de passer et on n'a pas envie qu'ils aillent écraser les potes. Et donc, quand la police municipale était là, c'était assez pratique de leur dire, vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps, je vous libère juste après la voiture de police. Vous voyez, il y a le gyro bleu là-bas. Et en général, ça calmait les gens, ça calmait les esprits. Maintenant qu'on n'a plus la police municipale, on dit toujours la même chose, sauf qu'on leur parle du gyrophare orange qui est sur le camion balai. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, Et au final, ça passe très bien. Et vous avez le droit d'avoir un gyrophare? Je crois que c'était interdit, ça. Orange, là, on a un joli gyrophare orange. En fait, si tu veux, la police municipale, quand je te dis qu'elle nous a accompagnés, c'est-à-dire qu'elle nous a réellement accompagnés. Elle nous a filé un coup de main. Elle a validé les choix qu'on avait faits. On a eu une formation à la communication en talkie-walkie. Donc, en fait, tout ce qu'on a mis en place pour sécuriser et rendre autonome la rando, tout ça, ça a été validé par la police municipale. D'accord. Alors, mon autre question, c'est... en fait, vous êtes passé d'une organisation avec la police municipale à une organisation sans. Et est-ce que... Et donc, en fait, c'est une suite logique, vu qu'il y a eu l'accompagnement. Mais est-ce que parmi le bureau ou les participants, des personnes sont arrivées et ont dit « Ah, dans telle ville, il y a des randonnées aussi ?» Et ils font cette organisation-là, ça pourrait être bien de prendre cette idée pour la mettre chez nous. Effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est que on a été convié par la tranquillité publique de Nantes, par le directeur de la tranquillité publique. Donc c'était à peu près au milieu de l'année 2019. Et c'est là où il nous a annoncé le souhait de désengagement. Et par contre, bon, c'est comme je te l'ai dit, hein, il ne souhaitait pas nous laisser partir comme ça, il souhaitait nous accompagner. De ce jour-là, en fait, alors on l'avait joué assez fine et je remercie encore Ellie. Le directeur de la tranquillité publique nous laissait 3 mois pour nous organiser et grâce à Ellie, on a eu un sacré rab. Donc, merci Ellie. En fait, une fois qu'on a eu cette réunion-là et qu'on savait l'enjeu, on a annulé la rando du jeudi suivant et on l'a transformé en assemblée générale extraordinaire pour que tous les adhérents puissent donner leur avis. Il y en a qui nous ont dit pas de rando, pas de PM, pas de police municipale, pas de rando, moi je viens plus. Donc ça a été un premier réflexe chez pas mal de monde. Et puis justement, grâce à la discussion, grâce à l'échange d'avis, finalement ça a fait évoluer un peu les choses. On a eu des retours d'expérience, je pense à, alors je me rappelle plus son nom, mais quelqu'un de Toulouse qui nous a longuement parlé de ce qui se passait à Toulouse et que lui était ravi qu'il n'y avait pas de police municipale. On s'est inspiré un petit peu de ça. On s'est inspiré aussi pas mal de ce que la Fédération française de roller pouvait avoir déjà établi dans le cadre des randos fédérales. Donc voilà, on avait un petit peu tout ça. Et puis, une fois que tous les avis ont été pris, d'ailleurs, la question a été posée ce soir-là, est-ce qu'on continue à faire des randos, en fait ? Pas de police municipale, est-ce qu'on continue ? Et voilà, c'était dans la balance, ça a été vite écarté, mais la question a été posée. Au moins, elle a été posée, oui. Ah, il fallait la poser, j'étais obligé. Ça faisait partie des options, hein. Il y avait une autre option qui était d'arrêter de les faire le jeudi soir, mais de les faire qu'une seule fois par mois. Ou une seule fois par trimestre, ou d'arrêter l'hiver. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses qui ont été mises sur la table. Et, fort de tous ces avis, le bureau a mis en place une organisation. Voilà. On a mis en place une organisation qui, finalement, n'était pas hyper éloignée de ce qu'on avait pu faire avant, puisque toute la partie de tête de la rando était bien rodée. Depuis pas mal d'années, en fait, on n'avait plus de police municipale devant. Donc, au final, l'avant de la rando était assez bien rodé. Par contre, on a mis un nouveau poste en place, ou on a transformé plutôt un poste qui était déjà existant, c'était le responsable staffer. On a transformé en responsable cortège. Et là, on s'est inspiré de Paris, par exemple, où il y a quelqu'un qui fait mur, on va dire, qui fait zone tampon entre le cortège de patineurs et le groupe de signaleurs à l'avant. Donc ça permettait de pouvoir souffler aux patineurs et de bien cadrer le cortège. Et puis le point faible, finalement, c'était l'arrière de la rando, puisqu'on perdait l'équipage de police municipale, et pour autant, il fallait qu'on puisse sécuriser l'arrière de la rando, ne pas se faire doubler dans les portions où il y a deux voies, bien indiquer aux automobilistes que il y avait quelque chose qui se passait devant, et qu'il valait mieux patienter. Et donc là, on a mis en place deux cyclistes. La rando roller a intégré deux cyclistes d'office qui accompagnent et qui vont en parallèle du camion. Alors, c'est toujours les mêmes cyclistes ou ça change ou... Non. Alors, ça a été aussi une autre occasion de mettre ça. Je vais juste expliquer le rôle des cyclistes. C'est que eux, ils sont devant le camion. À partir du moment où on n'a qu'une seule voie, ils sont devant le camion. Donc les signaleurs repartent devant les cyclistes au final. Mais quand la voie s'agrandit, les cyclistes vont sur le côté du camion, doivent rester toujours visibles par le conducteur du camion, et du coup ça agrandit l'arrière de la rando. Sur le camion, on a mis les gyrophares, on a mis des messages, on a mis plein de lumières partout pour qu'on soit bien visible, même sur les vélos. Et on a mis des messages comme quoi il y avait une rando roller et que c'était pas nécessaire de doubler. Voilà. La question que j'ai dit que je reviendrai dessus, c'était. Ça y est, je l'ai oublié. C'était sur. Moi aussi. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui font du vélo ? Ah oui. Non. En fait, depuis plusieurs années, je crois que c'était Régis qui avait intégré ça. Au moment où tu adhères à la rando, tu signalais si tu pouvais, si tu voulais conduire le camion. Et donc là, on a rajouté deux cases à cocher, enfin une autre case à cocher. Est-ce que vous êtes prêt à conduire un vélo, en fait? Et de la même façon que on déclare toujours les randos, hein, au moins une semaine à l'avance à peu près, pour que la mairie soit au courant du parcours et des encadrants responsables. Et ben, de la même façon qu'on avait les responsables de poste, on désigne les volontaires qui ont coché la case. On les désigne une semaine à l'avance. Toi, tu prendras tel vélo, toi l'autre vélo, et toi tu conduiras le camion. Comme ça, on a tous une semaine à peu près pour s'organiser. Ben, finalement, je vais pas pouvoir. Est-ce que je peux me faire remplacer? Tout ça, ça se passe sur le forum. Hein. Donc, on peut s'organiser à l'avance. En fait. Alors, si on peut récapituler, on a quoi comme rôle dans une randonnée? Alors, dans une rando, Denis, tu veux peut-être... Vas-y, ouais, je peux récapituler les rôles, si tu veux. Alors, en partant de la tête jusqu'à la fin du cortège, donc en tête, on a le responsable signaleur qui ouvre le cortège, qui doit connaître les parcours, savoir où il va, et gérer en parallèle avec le responsable signaleur. En tête de cortège, on a le responsable signaleur qui ouvre le parcours, doit le connaître et savoir où il va. Gérer le rythme en relation avec le responsable de cortège qui lui informe par toki si les randonneurs tiennent leur rythme, si tout se passe bien. Il dispatche les différents signaleurs pour sécuriser le passage, les différentes rues. Après, on a notre petite zone tampon entre les signaleurs et le responsable de cortège qui permet d'instaurer un petit groupe. Ça permet d'avoir les jaunes bien au bon endroit, pas dans les randonneurs, pas mélangés, et de s'assurer toujours d'avoir suffisamment de jaunes pour continuer la rando. Le responsable de cortège, qui est effectivement un nouveau poste créé récemment, qui a son nouveau rôle, qui s'adapte et qui est bien, qui permet de, aussi bien à l'arrière de la rando que à la tête de la rando, de connaître l'état de la randonnée en elle-même. C'est lui qui limite, c'est lui la limite physique du début du cortège, en fait. C'est ça. On a les secouristes, donc on a un responsable secouriste qui est à minima accompagné d'un second secouriste et au mieux de deux secouristes. On a les postes qui, pour le moment, n'ont peu d'utilité parce qu'on n'a pas des grosses randonnées à 150, 200 personnes. On a les postes de tortue qui sont en fait des signaleurs de queue qui sont là pour aider les derniers participants, guider un peu le reste et puis s'assurer qu'on laisse personne sur le carreau. On a nos deux vélos, bien évidemment, qui complètent la queue de cortège, qui matérialisent la fin de cortège. Et après, on a le camion. Et on a un poste qui a été créé à l'initiative du bureau actuel élu en 2019, qui n'existait pas avant. C'est un poste de coordinateur. Avant, c'était le président qui était responsable randonnée. C'est le nom qu'il avait, le titre. Et en fait, avant, il n'y avait qu'une seule personne qui avait ce rôle-là. Et donc, s'il n'était pas dispo, on n'avait pas de randonnée. La création de ce poste-là, avec chaque membre du bureau souhaitant le faire et ayant les capacités, souhaitant prendre ce poste-là, et coordonnateur de la randonnée, à tour de rôle, suivant la disponibilité de chacun. Et ça permet justement de garantir une continuité des randonnées, ce qui nous a permis cet été, quand on a pu reprendre les randonnées, les faire tout le mois de juillet, tout le mois d'août, alors que chacun avait des congés. Quoi. Ça permet d'avoir plus de souplesse. Ce coordonnateur-là, si tu veux, il garde un œil sur l'ensemble de la rando. Et il va aller pouvoir soit donner un petit coup de main, soit rectifier quand il y a besoin de rectifier, ou soit juste regarder et puis se dire, tiens, ça, on peut peut-être l'améliorer, et donc le coup suivant, on l'améliore. Voilà. Ou à la réunion mensuelle suivante, on en parlera. C'est lui qui garde un œil sur tout ça. Alors, je vais revenir en parlant de ça. sur un sujet que j'ai oublié, une question que j'ai oublié de vous poser, c'est la parité. Il y a combien d'hommes et de femmes dans l'association et dans le bureau et dans les postes à responsabilité? Le bureau aurait adoré avoir la parité, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Qui est au pouvoir, les hommes ou les femmes alors? C'est malheureusement beaucoup masculin en fait, hein, et dans les adhésions et dans les postes de responsables, responsable signaleur, responsable cortège. Responsable signaleur, ça n'est que des garçons. Responsable cortège, on doit avoir moitié-moitié, je crois. Jusqu'à récemment. Tu m'arrêtes à venir. Ouais, en gros, pour résumer, on est deux tiers hommes, un tiers femmes, puisque avant on avait à chaque poste de responsable une femme. Là, dernièrement, notre responsable signaleur femme s'est retiré du poste. Notre ancienne secouriste ne participe plus depuis quelques heures. Responsable secouriste ne participe plus depuis quelques années. Responsable cortège, on a Morgane. Voilà, puis après, effectivement, ça, après, c'est souvent la volonté de chacun, hein, de s'investir dans un rôle, dans un poste, puisque c'est quand même un engagement vis-à-vis de l'association et de son fonctionnement. Donc, on ne force personne à être responsable ou à être signaleur, à avoir un poste. C'est toujours bien vu, c'est toujours agréable. Voilà. Et en termes d'adhérents, on est sur deux tiers hommes. Et comment vous faites pour former toutes ces personnes? Alors, en fait, quand quelqu'un a envie de s'investir un tout petit peu plus, un patineur qui a envie de s'investir, a envie de filer un petit coup de main, on va le prendre sous notre aile. C'est-à-dire qu'on va lui fournir les équipements, c'est évident. On lui fournit une petite fiche qu'on appelait une fiche mémo qui lui explique le poste, en fait. Alors c'est pas un grand texte rébarbatoire, hein, rébarbatif. Hein. C'est vraiment quelques pictos, c'est vraiment hyper bien fait. C'est Élie qui nous avait fait ça. On a synthétisé sur une petite feuille A5 le rôle de chaque poste. Et donc du coup, si toi patineur tu veux venir, filer un coup de main chez les signaleurs, on va te donner cette fiche là et on va t'attribuer un mentor ou un coach ou un binôme en tout cas, et tu vas apprendre le boulot de signaleur entre guillemets avec quelqu'un, c'est-à-dire que pendant plusieurs randos tu vas aller prendre les carrefours mais avec ton binôme, et puis au bout d'un certain temps le mentor, le coach, enfin ce que tu veux, va estimer que c'est bon, que tu peux être autonome et que tu tiens la route, et donc là va viser le bureau et dire que bah oui, lui il peut faire partie de l'équipe tout seul. Il n'y a aucun problème. Et ça passe forcément par cette phase-là de l'apprentissage. Et ça, c'est pour tous les postes. C'est-à-dire que quand Denis a intégré le bureau l'année dernière, il était amené à coordonner. Eh bien, on ne l'a pas balancé au rôle de coordonnateur tout de suite. Il est venu en binôme, il a appris le job, même s'il le connaissait déjà, mais il a appris le job. Et puis, une fois qu'il était prêt, il a pu le faire tout seul. D'accord. Le seul poste qui nécessite obligatoirement une formation qui est externe à un entrôleur, c'est les postes de secouriste. Parce que pour être secouriste, il y a deux critères, être adhérent et avoir un PSC1. Voilà. Donc PSC1 fourni par l'association ou un SST fourni par l'entreprise. Mais voilà, il faut qu'on ait un document attestant de la formation de la personne. Puisqu'on ne met pas les équipements et la sécurité des randonneurs dans les mains de n'importe qui. Ça a été aussi, lors de la création de l'association en 2002, ça a été une volonté de la mairie d'avoir une équipe de secours à dispo dans les randonnées, puisqu'à l'époque, on n'était pas un groupe de 50 personnes à se balader, c'était plutôt 80, 100, 120, ou l'été 500 personnes. Et là, effectivement, le cortège n'est pas le même. Et les risques non plus. Tout à fait. Et est-ce que vous arrivez donc, est-ce que vous avez assez de volontaires pour vous aider à encadrer? Eh bien, c'est arrivé qu'on ne fasse pas la rando parce qu'on n'avait pas assez d'encadrants. C'est arrivé. C'est vrai. C'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y a des randonneurs qui sont là. Il y a la météo qui est là. Et puis, bah, on n'a pas nos 26 personnes, quoi. Ah, c'est partir. Ça. Donc, si vous n'avez pas 26 personnes pour encadrer, vous ne pouvez pas partir en randonnée officielle partir. Non, parce que c'est vraiment c'est la condition sine qua non pour avoir pour assurer la sécurité du cortège. Si on n'a pas tous nos encadrants, on ne peut pas assurer la sécurité. Donc, on ne peut pas partir. Ouais. On préfère, du coup, annuler. On retire finalement notre responsabilité là-dessus. Alors, des fois, c'est bien compris, et puis des fois, ça ne l'est pas. Mais nous, on choisit de faire des randos sécurisés. Donc, quand on ne peut pas, eh ben, on ne la fait pas. C'est rare, hein. C'est rare, mais ça arrive. Mais effectivement, les fois où c'est arrivé, ça a permis aux randonnées suivantes bah, d'avoir un peu plus de monde et des gens qui habituellement bah, sont présents depuis souvent pas mal d'années, puis ne se proposent pas à des postes. Après, voilà, quand il nous manque une ou deux personnes avant de partir ou pour s'assurer d'avoir le nombre essentiellement de signaleurs, puisque c'est quand même le gros des troupes, bah, on va voir certains habitués qui sont là régulièrement, dont on connaît leur maîtrise, ils ont déjà fait signaleur de temps en temps. Ils l'ont déjà fait, voilà. Voilà, et on leur propose la chasuble. Et souvent, bah, quand on a un nom, on fait « bah ouais, mais si tu participes pas, tu portes pas la chasuble, bah, on va pas pouvoir faire la randonnée ». Donc voilà, t'es venu pour te faire plaisir, mais si tu participes pas un peu à l'organisation une fois de temps en temps, bah on risque de plus pouvoir se faire plaisir, quoi. Ou en tout cas pas de façon sécurisée. Denis, il faut aussi dire qu'on le propose avec des bonbons et un grand sourire, donc forcément. Oui, voilà. Ça met moins de pression. D'ailleurs, j'espère que t'as retiré les bonbons de la boîte du camion. Hein. Oui, c'est vide. C'est vide. Et alors oui, moi je voulais rebondir là-dessus. En fait, une fois j'avais vu un signaleur, enfin même plusieurs signaleurs qui, je trouvais qu'ils avaient pas mal de déséquilibre, qu'ils étaient pas très bons patineurs en fait, mais ils avaient les bases en fait, ils savaient patiner, ils savaient freiner. Et je me dis, au début je me suis entre guillemets intérieurement foutu de leur gueule, me disant oh bah ils ont rien à faire à signaler, ils savent à peine tenir sur des rollers. Et après je me suis dit mais en fait c'est très sympa ce qu'ils font et je me suis auto-mutilé en me disant que je devrais c'est trop facile de critiquer les gens. Moi j'ai jamais fait signaleur et en fait je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut le faire et peu importe le niveau en fait pour être signaleur. À partir du moment où on peut faire la randonnée, il faut y aller, quoi. Signaleur c'est une super occasion pour progresser d'abord parce que bah tu peux rouler. Et puis, bah, quand il y a un niveau un petit peu faible, enfin, un petit peu moyen, il n'y a pas forcément besoin d'aller vite si tu veux le signaleur. En règle générale, il va aller faire qu'un seul carrefour entre deux pauses. Donc, un signaleur qui est un peu léger, eh ben, souvent, on va lui faire prendre le premier carrefour après être sorti de notre zone de pause. Comme ça, on est sûr qu'il le prend et pouvoir remonter la rando très tranquillement. Donc effectivement le niveau, alors on va pas prendre un gars qui sait pas patiner, on est d'accord. Quand il aura fait sa mini formation avec son binôme, on aura assez vite détecté ça si tu veux. Mais c'est pas imposé. Enfin je veux dire, il faut pas être une superstar du roller pour pouvoir signaler. La première condition qu'il faut, c'est la volonté. Voilà. Ok. Bon, j'avais la question à quoi sert le camion, mais on l'a dit. Enfin, est-ce qu'il peut, si quelqu'un est fatigué, il peut servir le camion pour faire voiture, enfin pour que la personne monte dedans. Eh oui, il sert surtout à ça. Au début, il servait surtout à ça. Il y a combien de places? Voilà, le camion a deux grosses utilités. Permettre aux gens qui ne se sentent plus la force de continuer la rando, bah, de monter dedans et qu'on les ramène à bon port, puisque bah, on ramène toujours les gens au point de départ. Et l'autre utilité qu'il a, c'est quand on a des grandes descentes ou des descentes dangereuses à sécuriser en amont, bah là on propose à des gens dont on a vu qu'ils avaient les capacités de suivre la rando, mais pas forcément de descendre en toute sécurité, ou suffisamment vite pour pas bloquer bah, la rue très longtemps, on les invite à monter dans le camion pour la descente, et puis bah, une fois la descente passée, on les... Comme on dit, on les relâche. On les libère. C'est viennent, la prison. Ils viennent poursuivre la randonnée, quoi. Le panier à salade. C'est ça. Et on compte combien ont été capturés dans la descente. D'accord. Est-ce que vous avez des marches à suivre pour chaque situation? Par exemple, quand il y a un accident, ou quand il y a quelqu'un qui est énervé, quand il y a une voiture qui traverse alors qu'elle ne devrait pas traverser. Est-ce que la police vous a donné des conseils? Est-ce que vous avez des fiches en interne? Alors, en fait, nous, on s'est donné nos propres fiches, enfin, nos propres conseils. Si tu veux, quand on a mis en place cette nouvelle organisation-là, on a tout petit peu rectifié aussi notre façon de faire par rapport aux autres usagers de la chaussée. Le meilleur exemple, c'est le cours des 50 otages. C'est un axe hyper centre. Il y a assez peu de voitures, mais beaucoup de vélos, beaucoup de livreurs en scooter et beaucoup de piétons. Là où avant, on essayait d'avoir un cortège assez hermétique où on refusait absolument l'entrée dans le cortège d'un vélo ou d'un livreur en scooter. Aujourd'hui, on a plutôt, et ça c'est intégré vraiment par tous les signaleurs, ça fait partie un petit peu de la philosophie, on essaie plutôt d'accompagner le danger maintenant. C'est-à-dire que on va emmener le vélo, on va emmener le livreur en scooter, et on va, nous, signaleurs, prévenir tous les randonneurs qu'il y a un obstacle qui est en train de les remonter. Voilà. Oui, c'est essentiellement sur 50 otages, ça, sur les autres. C'est le meilleur exemple. Sur le cours des 50 otages, c'est quasiment c'est tous les jeudis. Sur les autres rues, les livreurs scooters, ils sont invités à patienter. Et puis, dès qu'on peut, effectivement, on les libère, quoi. Ou on les incite à prendre une contre-allée ou une autre rue, quoi. Et pour répondre à ta question, lorsqu'on avait fait les fiches mémo pour pouvoir transmettre la connaissance et pour pouvoir former les nouveaux signaleurs, les nouveaux bénévoles, on a aussi fait des fiches réflexes qui nous permettent de se dire en amont, avant, tiens, qu'est-ce que je fais si? Et on a un super bon exemple où on a eu un petit accrochage une fois sur le rond-point de la place de la République. Où au moment de repartir, il y a une voiture qui a forcé le passage et qui a tellement bien forcé le passage que le signaleur qui a eu le réflexe de se pousser a poussé la voiture, mais en poussant la voiture, a cassé la fenêtre de la voiture. Donc il s'est coupé. On a un signaleur, on a un secouriste. Ça devait être toi, Denis, je crois. C'était moi. Qui s'est tout de suite occupé de lui dans le camion. Et tout de suite, coordinateur et responsable signaleur, on a été voir le responsable signaleur a été voir le conducteur pendant que le coordinateur appelait la police municipale. C'est une autre des conditions qu'on avait. On a un numéro de téléphone direct au central de la police municipale, si au cas où on a un incident. C'est-à-dire que très très vite sur cet incident-là. Tout le monde a eu le bon réflexe. Et donc, en quelques minutes, c'était fini. Ce qui est le but, en fait. Oui. Laisser passer le danger le plus vite possible. D'abord, pour emmerder les gens le moins longtemps possible et pour que le danger ne soit pas trop important. Plus vite le danger est passé, mieux c'est pour tout le monde. Ma dernière réflexion et question, en fait, c'est que avant, quand il y avait la PM, il y avait... des personnes qui étaient au milieu du cortège et qui donnaient des conseils et des consignes du genre ne pas rouler sur les trottoirs, etc. Et là, j'en vois beaucoup moins, voire plus du tout. Et alors, non, par contre, d'accord. Alors là, je voudrais faire une grosse dédicace à Ellie, qui elle fait justement la police et je crois que c'est une des seules à le faire. Et donc, elle a le mauvais rôle en fait. Mais pour moi, c'est essentiel ce qu'elle fait, et je la félicite pour ça, parce que dans une autre vie, j'ai eu un métier similaire à ce qu'elle fait, on va dire. Ouais. Et donc, c'est elle qui dit, notamment quand on a fait des... Donc, je l'ai déjà vu reprendre quelqu'un qui avait des écouteurs sur les oreilles. Elle a dit, c'est interdit et qu'il faut les enlever. Et c'est elle qu'on entend gueuler pour dire, donc, quand il y avait les randonnées en 2020, où on devait rester quand on était à l'arrêt avec plus d'un mètre d'espace entre nous, c'est elle qui gueulait. Et il n'y a que elle qui faisait ça, qui nous gueulait dessus pour nous dire « espacez-vous ». En fait, on est plusieurs à essayer de le faire. On se fait peut-être pas assez entendre. Ellie fait sûrement ça dans le cadre de son rôle de coordinatrice. puisque en ayant un œil sur un peu toute la rando, elle peut justement pointer ce qui peut être amélioré et reprendre. Les oranges dont tu parles, les staffeurs qu'il y avait avant, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ce poste-là a été supprimé au moment de la mise en place de la nouvelle organisation pour deux raisons. D'abord, on voulait réduire le nombre de bénévoles encadrants nécessaires pour partir. Parce que c'était de plus en plus compliqué d'avoir les 32 encadrants minimum pour pouvoir partir. Et qu'on s'est dit que ce rôle-là avait moins d'utilité que ça a pu l'avoir il y a plusieurs années. Donc, on a un petit peu mis en charge l'ensemble des encadrants, secouristes, signaleurs et autres, même les vélos, pour garder un œil finalement à ce qui se passe dans le cortège. Et donc on a supprimé plus ou moins ce rôle d'aidant, ce rôle de conseillant dans le cortège, dans la rando. Donc alors maintenant on va passer à autre chose, puisqu'on a fini le fonctionnement de la randonnée. On va passer à comment l'association s'est adaptée avec la Covid. Là, vous m'avez dit que c'était un petit peu en stand-by en ce moment, que vous attendiez tout. Vous n'êtes pas plus présent sur les réseaux sociaux ou comment ça se passe? Non, on a essayé de faire vivre les réseaux sociaux, mais c'est pas si simple que ça quand on n'a pas de rando à proposer, quoi. Oui, oui. Hein, on essaye de les réseaux et on les utilise pour relayer de l'information, sous un premier temps. Là, effectivement, sans rando et surtout sans visibilité. Quel moment, à quand et dans quelles conditions on va pouvoir reprendre. C'est difficile de relancer une dynamique comme on avait pu le faire en mai-juin, quand on a su qu'on allait tous pouvoir sortir le 11 mai. Là, on a tout de suite su relancer une dynamique via le forum, le Facebook et autres réseaux, où on a pu s'organiser pour se faire un petit restaurant tous ensemble, histoire de relancer les choses. Et tout de suite de retrouver la dynamique des randos qui nous a permis de faire sur juin, juillet, août quasiment tous les jeudis de rando où on n'a pas eu de pluie. Quoi. Au début du premier confinement, on avait fait un concours photo sur le Facebook. C'est vrai. Mais c'est compliqué d'animer quelque chose alors que à côté on n'est plus là sur. Enfin, je veux dire, une rando roller en distanciel, c'est compliqué, quoi. Tout à fait, ah oui, ça se comprend bien. Donc, on a énormément subi les confinements et en ce moment, on subit le couvre-feu. Pour autant, on a, à la fin du premier confinement, mis en place on s'est inspiré de ce que la Fédération française de roller proposait. On a mis en place des gestes barrières, on a recommandé le masque, on a acheté du gel hydroalcoolique comme beaucoup de gens, on a acheté des masques et on a rendu le masque obligatoire dans le camion. On a plus nettoyé les chasubles, faut l'avouer, et surtout le matériel qu'on prêtait, les tokis et les lumières, on les a tous hydroalcoolisés à la fin de chaque oreillettes. Et les oreillettes. Par contre, on a interdit les gens de se prêter du matériel entre eux. On a interdit, c'est encore un grand mot, hein, mais oui. Tu vois bien, on incite les gens à ne pas se serrer la main, à pas s'embrasser, à pas d'accolade, enfin, les trucs que finalement, maintenant, on fait tous par réflexe. Mais au mois de juillet de l'année dernière, c'était pas aussi par dépit, oui. Simple que ça. Hein? C'est par dépit plus que par réflexe. Oui, <aussi. rire> Disons que maintenant, personne ne sort de chez soi sans son masque, alors qu'en juillet de l'année dernière, c'était pas aussi simple. Et donc, tu vois, grâce à tout ça, tout ce qu'on a mis en place, on a réussi à avoir une dérogation de la préfecture. Ah oui. En juillet de l'année dernière, pour continuer les randos. Parce qu'on leur a promis qu'on allait étirer le cortège, parce qu'on leur a promis que les gens, on les laisserait partir par petits groupes à la fin de la rando. Voilà. On a essayé un petit peu de faire notre part du moins de contact. Ça nous a permis de faire des randos de mi-juillet à peu près jusqu'au deuxième confinement, jusqu'à mi-octobre. D'accord, ouais. Et donc là, le monde était au rendez-vous, je suppose. Ouais, on a eu une belle affluence au début, hein, ouais. Même si c'était en plein juillet et août, on a tourné à une bonne soixantaine, on a eu un pic à 77. mois de septembre. Donc ouais, on tournait autour des 40 et d'un seul coup, on est reparti à 60, quoi. Ok, est-ce que vous avez des contacts avec les autres associations qui font les mêmes choses dans d'autres villes ? Oui. Alors, lesquelles ? On a souvent, en fait, Nantrôleur existe depuis tellement d'années et c'est une des rares associations qui perdure dans ses randonnées, sachant que on ne fait que ça, hein, on n'est pas un club où on donne des cours ou autre, et c'est surtout qu'on roule toute l'année. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, sur la période hivernale, soit arrêtent, font une longue pause, soit réduisent le nombre de randonnées. Nous, ça a toujours été la volonté de « il fait beau, on roule ». Et effectivement, on a eu Roller et Coquillage qui sont venus nous voir. On a pas mal échangé avec eux aussi. Alors, c'est quelle ville, Roller et Coquillage ? Roller et Coquillage, c'est l'association qui organise des randonnées à Paris. D'accord. Alors, c'est la première, hein, c'est l'association historique sur les randonnées qui ont géré du x10 ou x100 de ce que nous, Roller, on a pu faire. Et voilà, ça va avec la taille de la ville. Et on a beaucoup échangé avec eux aussi au moment où, en 2012-2013, quand la police municipale est partie de la tête du cortège. Bon, effectivement, on a échangé par mail beaucoup avec eux sur leur fonctionnement. On a aussi quelques connaissances sur quelques contacts avec l'association qui gère les randonnées de Toulouse. Je n'ai plus le nom, c'est Roller Rose. On a aussi Roller Rose, je crois. Tu dis, Arnaud ? Rouler Rose. Rouler Rose, pardon. Oui, c'est ça. On a aussi une personne de l'association de Grenoble qui a pris contact avec nous via notre site internet pour savoir comment on arrivait à redynamiser le roller. Parce qu'effectivement, eux, à Grenoble, du fait de la saison de ski et de l'hiver qui est beaucoup plus présent chez eux qu'on peut l'avoir chez nous, l'hiver ils tournent pas, leur saison c'est avril, septembre, voire octobre quand il continue à faire beau. Là on a il y a Lyon aussi à un moment qui avait des randonnées, je sais pas si elle existe encore, il me semble pas. On avait Lille où on avait un couple qui est devenu des amis qui venaient de cette région là, qui sont arrivés à Nantes pour quelques années, qui ont participé beaucoup aux randonnées, qui se sont investis dans l'assaut. Puis après, qui sont repartis pour raisons professionnelles dans leur région et qui ont relancé, essayé de redynamiser aussi de leur côté ce rando-là. Donc, du fait que Nantrôleur participe depuis 2005 aux 24 heures du Mans, qui est quand même la grosse vitrine du roller, parce que c'est ouvert à tous, aussi bien aux compétiteurs courses qu'aux loisirs et aux enfants, à partir de 12 ans, il me semble. Nantrôleur participe à l'encadrement de la parade et ça nous amène une grosse vitrine, donc effectivement on est connu et reconnu pour l'organisation des randonnées et notamment dans la région, quoi. Parce qu'on est toujours appelé par le club de Pornichet quand ils ont des randonnées à organiser, ou le club d'Orvault quand il a quelques grosses randonnées, il fait appel au bon vouloir des fous du roller, d'un entrôleur qui viennent toujours donner un coup de main et participer, quoi. Le club de Saint-Herblain qui organise l'Atlantisport aussi, et puis le contact qu'on peut avoir à la Fédé aussi nous sollicite aussi pas mal. Oui, il y a un ancien membre de l'association, un ancien membre du bureau effectivement qui maintenant il y a un poste clé à la Fédé. Et donc là vous parlez de ce que vous faites à part de la randonnée, donc c'est quoi l'association quand vous faites pas la randonnée du jeudi? Vous encadrez donc tout ça. Est-ce que vous faites des choses entre vous aussi? Alors, on a différentes activités autres que le roller, effectivement. Enfin, d'autres activités. Pour garder une cohésion en fait du groupe et un lien de vie avec les gens. En dehors des courses d'endurance auxquelles Nantrôleur a beaucoup participé, les premières c'était Le Mans. Alors participer en tant qu'organisateur, co-organisateur ou en tant que des personnes Là c'était essentiellement en tant que participant, mais surtout des participations officielles de Nantrôleur, c'est-à-dire que Nantrôleur, l'association, engager des frais pour et gérer aussi l'inscription et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont quand ils vont 24 heures du Mans avec Nantrôleur, ils montent dans un bus le samedi matin avec leur matos personnel, et puis ils rentrent le dimanche soir et ils ont passé un week-end de folie avec Nantrôleur sans avoir rien à penser que à eux, le roller et les copains, quoi. L'ensemble de la nourriture, des installations du camping pour dormir et autres, c'est géré dans les paddocks. Dans les paddocks, c'est pareil, c'est l'assaut qui gère tout. Tout est géré par l'assaut. On a participé à Fête de Bretagne, à la Faute sur Mer, à la grande époque. On a participé au Groll Race à Quiberon, qui est aussi une course de 24 heures. On a fait beaucoup de 6 heures. On a participé à Paris, Nantes. Les 6 heures de Nantes, les 6 heures de la Coupe 44. Donc il y a Varade, Fête de Bretagne, j'en oublie un autre. Bouaille, voilà, merci. Et puis on a aussi participé 2 années de suite, ou une seule année, je ne sais plus, moi je ne l'ai pas fait, mais plusieurs de l'association y avaient participé, c'était au Marathon de Paris, qui a été fait il y a quelques années. C'est vrai, ouais, 2 fois, ouais. Voilà. Et donc en dehors de ces participations de course ou d'endurance qui se font en roller, on fait en fin de saison, pour fêter la fin de saison, puis parce que c'est toujours sympa de se retrouver quand il fait beau, on fait un petit barbecue en août ou en septembre. On profite des installations du voyage à Nantes pour se faire un gros barbecue entre adhérents et partager avec plein de gens, puisque c'est en plein air et c'est sur l'île de Nantes. Alors le voyage à Nantes, c'est pour... les auditeurs qui ne seraient pas de Nantes, c'est une association qui organise énormément de festivités donc en été. Et donc là, notamment, ils mettent à disposition des tables, c'est ça, en centre-ville. C'est ça, ouais, le voyage à Nantes, c'est pas mal de trucs artistiques, pas mal d'œuvres d'art. Et il y a une année, ils ont eu la chouette idée de trouver une œuvre d'art qui était juste 2 barbecues ouverts à la population avec plein de tables un peu bizarres, c'était assez sympa comme c'était aménagé le long de la Loire. Et ils mettaient à disposition un cuistot qui s'occupait de la bière, de la braise. Charge à nous de ramener la bière. Donc ça a été une super œuvre d'art qui est restée en fait et qui se réouvre tous les ans, en juillet, en août. Quand on ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Ouais. Les points clés qui marchent, on les garde. On a d'autres sorties aussi, qu'on appelle entre nous des petites sorties cohésion d'équipe. Donc on se fait quand on peut, ou suivant l'envie de chacun ou la motivation de quelqu'un d'organiser des petites soirées-jeux dans un bar ou des soirées-bar ou des soirées-restaurant pour se retrouver, quoi. À une certaine époque, quand on faisait énormément de randonnées le dimanche, souvent on terminait la randonnée par aller boire un verre dans un bar, et puis bon an mal an, l'heure avançait, on commençait à avoir faim et on terminait dans un restaurant, quoi. On se retrouvait, chacun allait chez soi pour changer ou pas, et puis on se retrouvait, on l'a fait souvent à l'entrecôte, un dimanche soir ou dans un autre restaurant. On avait aussi une petite habitude à une époque de faire une fois tous les 2-3 mois un couscous dans un bon couscous à Nantes, qui malheureusement a fermé depuis. Il n'existe plus. Voilà. Et puis, gros événement qu'on fait tous les ans, c'est le week-end d'entrôleur. Donc ça, c'est un week-end ouvert aux membres de l'association. Où c'est pareil, c'est un peu comme c'est moins sportif, c'est plus détente, c'est convivial, mais c'est un week-end complet roller où on choisit un camping, une zone et on organise ceux qui organisent ce week-end-là programme des parcours, des activités liées au roller ou non, et puis on y va pour s'amuser, se détendre, rouler dans un autre cadre de jour et dans un autre cadre que Nantes, quoi. Alors, donc ça, c'est réservé aux adhérents, je suppose, parce que autant la randonnée est ouverte à tous, mais ça, c'est que pour les adhérents. Exactement. Oui. Ouais. C'est pour les adhérents. Rien ne t'empêche de prendre ton adhésion pour uniquement un crawler ou aux 24 heures du Mans, comme beaucoup l'ont fait, parce que nous, ça nous permet de gonfler. C'est aussi un des points qui nous permettent de gonfler un peu le d'adhérents. Et puis ça montre que tu es investi, enfin tu t'investis, quoi. Bah, ça fait plus de monde au week-end dans ton roller, c'est surtout ça. Ça fait plus de monde au barbecue, ça fait plus de monde aux sorties organisées. Donc c'est pas mal. Hein. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des changements à venir dans l'association? Denis, on est en train de nous en préparer deux qui seront pas mal, hein, je pense. Hein. Enfin, Denis et Laurent. Alors, dans les changements à venir, en fait, depuis avec Laurent, mon comparse responsable signaleur depuis pas mal d'années et puis co-gestionnaire des parcours, depuis 2017, on avait l'idée de renouveler un peu les parcours, de redonner un petit peu de nouveau. Donc, on s'était dit, bah, tiens, pourquoi pas un nouveau parcours? Et puis, ce faisant, on en a créé quatre de nouveaux. Donc, il y avait combien de parcours et maintenant, il y en a combien? Ouais. Actuellement, on a. Avant, il y avait 12 parcours et deux événementiels. Donc, deux parcours différents pour les randonnées événements. C'est les randos splash, les randos carnaval et tout ça. Voilà, vraiment, qui sont vraiment centrés sur le. On fait deux fois le tour du centre-ville, avec beaucoup de petites rues pavées. Des randos qui ne sont pas très rapides, qui durent longtemps parce qu'on s'arrête souvent, on se balade, on s'amuse, mais qui sont sportifs parce que bah, le c'est un peu vallonné. Mais voilà, des randos festives. Et donc en 2017, on a créé puis quatre nouveaux parcours qu'on a testés d'abord ensemble. On s'est fait deux, trois soirs de suite à tester les deux parcours d'affilée, une petite trentaine de kilomètres par soir. Puis après, on les a ouverts en parcours le dimanche pour les tester avec différentes personnes, des volontaires, des gens de l'asso, des gens. Voilà, on proposait sur le forum un dimanche, on faisait une sortie, tester bah, la difficulté du peu, voir si les rues étaient fonctionnelles, retrouver l'avis de chacun pour que les parcours soient accessibles. Et puis, on a pu les finaliser en 2018. Malheureusement, à l'époque, l'engouement pour créer des nouveaux parcours, la procédure au sein du bureau de l'époque, c'était un peu lent. Puis, on voulait surtout l'avis du président de l'époque, qui était là depuis 12 ans, qui a un peu traîné les pieds. Et on a réussi à renouveler ces nouveaux parcours-là et à les mettre dans la déclaration, puisque chaque parcours de l'asso dans l'arrêté municipal. Dans l'arrêté municipal. Et donc ça a été fait avec l'accord et le soutien du nouveau bureau en 2019, quand il a fallu mettre à jour l'arrêté, puisque bah, Nantes aimant beaucoup changer les sens de circulation de ses rues, bloquer des rues pour X ou Y raison, bonne ou mauvaise. On est amené chaque année à réviser quelques parcours bah, parce qu'on se retrouve avec des rues où on ne peut plus passer. Donc maintenant, 16 parcours et deux événementiels. Donc ça nous fait un total de 18 parcours. On va s'arrêter ici pour les parcours. Est-ce que vous avez donc des figures incontournables dans l'association ou dans la randonnée? Bah, la première, ce serait, même si moi je ne l'ai pas connu, Cédric qui a monté l'association. C'est grâce à lui que l'asso a pu naître finalement. Donc je pense qu'on peut parler d'une figure incontournable, le créateur. Après, on l'a plus beaucoup. Enfin, depuis quelques années, moi je l'ai jamais vu. J'ai dû le voir deux ou trois fois, je crois. C'est vrai qu'il a quitté Nantes, donc il vient plus souvent. Voilà, donc on le voit moins. Et puis, je dirais que l'autre figure incontournable, c'est Gérard. Il a tenu l'association pendant 12 ans quand même. Donc, voilà, on lui rend hommage ce soir. C'est une figure incontournable. Il a connu énormément de gens et énormément de gens ont connu Gérard. Donc, voilà. Ok. Est-ce que vous auriez une petite anecdote croustillante qui se serait passée lors d'une randonnée ou lors d'un week-end de Nantes Roller? Alors, les anecdotes croustillantes, c'est forcément dans les week-ends d'entrôleur, mais ce qui passe en week-end d'entrôleur reste en week-end d'entrôleur, mais ça, on va pas pouvoir en parler. Ah, vous faites des week-ends d'entrôleur jusqu'à Vegas, carrément? Sur le week-end d'entrôleur, on peut juste parler de quelque chose, parce que c'est quand même connu de beaucoup de monde, même si les gens n'y sont pas venus rando. C'est le petit défi photo cabane dans la piscine. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ce défi? Bah en gros, sur plusieurs années d'affilée, on choisit toujours un camping un peu cosu. Avec une piscine, c'est toujours agréable après avoir fait 30 à 50 km de roller, si ce n'est plus, en la journée, de se faire une petite baignade. Souvent, il y a des jouets pour enfants, des jeux pour enfants, et donc une petite cabane en plastique. Oui. Et plusieurs années d'affilée, on s'est retrouvés à essayer de tous rentrer dans la cabane pour qu'on puisse faire une photo de groupe tous dedans. C'était la petite anecdote rigolote des week-ends. Mais sans les rollers, quand même. Ah, bien évidemment. Ah bah, ça prendrait trop de place, les rollers, tout à fait. Moi, j'ai plutôt une anecdote rando-roller. Je pense que la rando où j'ai pris le plus gros kiff, c'était probablement en septembre 2019, à l'occasion de la semaine de la mobilité, et sous la demande de la Fédé, on a organisé une rando ce jeudi-là, un triple parcours où on voulait ouvrir au plus grand nombre, donc même aux débutants, et du coup il y avait une moyenne et une grande boucle qui se greffait sur un parcours connu, donc c'était parfait. Et ça a été l'occasion d'inviter l'élu Thomas Quérault, je crois que c'était son nom, l'élu à la mobilité, l'élu de Nantes, et ça a été l'occasion de le faire sortir, de le faire participer à la rando. Et ça a été une rando à 112 personnes, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ce soir-là, j'étais coordonnateur et j'ai pris un super, super kiff. Vraiment. Très bonne ambiance, et puis voilà, beau parcours, très très bien. Ouais, je m'en souviens, j'y étais. Et tu confirmes. Ouais, je confirme qu'on était très nombreux. Mais en fait, j'ai peut-être pas bien écouté le discours du départ, mais c'est vrai que oui, il y avait trois boucles, et je vais dire ce qui allait pas. On attendait que le retour de la première boucle pour pouvoir partir sur la deuxième, ou il y a eu des petites attentes. Ça va être un petit peu loin. C'est normal. Mais ça a pas été refait en 2020, ça? Eh ben, ça aurait dû. Non, mais il me semble que j'ai connu deux fois cette randonnée, c'est pour ça. Oui, on l'a fait, on a été un peu moins nombreux, on a été un petit peu déçus, parce qu'il faisait beau, ça faisait plusieurs semaines qu'on avait de la randonnée, on était 92 personnes, je crois. Ouais, pas plus. Ça s'est très bien passé, effectivement, 2019, c'était notre première, donc on a un peu tâtonné, on avait quand même pas mal peaufiné le truc, anticipé, prévu les choses, mais c'est vrai que le temps d'attente pour faire l'aller-retour entre Anne de Bretagne et Ricordo, bah, ça prend un certain temps, même si le retour, on l'a fait en mode Speedy Gonzalez avec la voiture de police aux fesses, voire même devant, gyrophare allumé pour nous ouvrir la voie. Mais c'est vrai que voilà, on a tâtonné, mais je pense que dans l'ensemble, tout le monde était très satisfait de cette randonnée-là, et ça a permis à des gens qui viennent pas forcément parce que ça finit souvent trop tard pour eux. Ouais. Parce qu'ils habitent loin, ou parce que voilà, ils ont envie de rentrer tôt, ça a permis de les faire sortir, quoi, les faire venir, et c'était super sympa, quoi. Mais Philippe, j'en profite pour me noter la prochaine rando de la mobilité. Il faut qu'on prévoie une activité pour ceux qui partent en avant et qui doivent attendre le groupe de signaleurs qui reviendront dans le premier groupe. Donc, oui, il faudrait prévoir des petits jeux. À noter. Des jeux ou un barbecue, enfin, à voir. Voilà, reprise un truc à faire. Reprise de calories, effectivement, ce serait exact. Bien. C'est ça. Et ben justement, on en arrive à la dernière question. Est-ce que vous avez des astuces pour le roller, préparation du matériel avant de venir à une randonnée, la nourriture à prendre, des barres de céréales, je sais pas. Enfin, comment vous faites, vous? Vaut mieux manger avant la rando, parce que pendant, c'est un peu compliqué. Oui. Ça, c'est le premier truc. Moi, je dirais, au niveau du matos, surtout vérifier que toutes les roues sont bien fixées. Ça, c'est important. Et quitte à vérifier ces roues, aussi vérifier que le casque est bien mis. Voilà, ça, ce serait mon conseil. Mmh. Ouais, moi, au-delà des astuces pour les randonnées habituellement, c'est plus des astuces dans le maintien, le bon fonctionnement de ces rollers, hein, comme une voiture ou une moto ou tout autre moyen de locomotion mécanique, bah c'est vérifier l'état de ses roues, les changer régulièrement de côté pour maintenir une bonne adhérence, une usure régulière. Et puis, moi, je sais que je ne suis pas partisan de manger avant la rando, parce que d'une, c'est trop tôt. De deux, ça m'alourdit quand je roule, mais plutôt bien s'hydrater avant une randonnée plutôt que de vider une bouteille pendant la randonnée. Bien s'hydrater avant, bien s'hydrater après, et éventuellement avoir une petite portion de sucre rapide avec soi au cas où, quoi. Si on a un petit coup de mou, ça peut toujours servir. Alors, moi je vais donner aussi mon petit conseil. J'allais te demander, Philippe, avec toutes les interviews que tu fais, tu as forcément des astuces à nous donner. Alors, toutes les interviews, vous êtes que les deuxièmes pour le moment, donc. Tu vois, c'est pas énorme. Non plus énorme. Non, moi j'ai fait l'acquisition d'une lampe pectorale et dorsale. Enfin, c'est surtout une pectorale qui éclaire énormément devant. Et derrière, il y a un petit flash rouge, histoire qu'on me voit quand je suis devant les personnes. Mais vu que les randonnées c'est la nuit, non, je trouve que c'est bien. Il faut pas lésiner sur le nombre de lumens que ça peut envoyer, quoi. Plus on voit, mieux c'est pour rouler la nuit, parce que le cortège s'étire et on est tout seul ou quasiment, et c'est vrai que quand on voit pas la route, on peut se dire bah tiens, il y a peut-être un nid de poule qui va arriver et je vais pas le voir, et moi je suis c'est content d'avoir. C'est vrai qu'il y a des portions à Nantes où il y a pas trop d'éclairage. Quelques parcours, il peut y avoir ça, ouais, c'est vrai. Oui, ou la ville qui coupe des portions pour économiser de l'énergie souvent. Mm-hmm. Après, hein, le premier point de la sécurité, c'est voir et être vu. Hein. C'est ça. Oui. C'est effectivement, voilà, moi je suis je ne porte pas le casque lors des randonnées, et je suis bien content d'ailleurs qu'on soit pas obligé de le porter pour venir. Ça a longtemps fait débat, le casque, mais c'est vrai que chacun est libre de le porter pour le moment. C'est voilà, c'est comme ça, c'est pas comme la ceinture en voiture, ça c'est obligatoire pour tout le monde, mais le casque, voilà, c'est un autre débat qu'on n'aura pas ici. On le recommande quand même, parce que même en vélo, le casque c'est nécessaire. Et puis le Toubib le dit, hein, de toute façon, les super-héros ont tous un casque. Donc je vois pas pourquoi. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Ouais. Est-ce que vous avez une chose que vous voudriez ajouter, un point qu'on n'aurait pas vu? Je trouve qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Je pense aussi, ouais. Ouais. Merci. On peut inviter tous ceux qui nous entendent là de regarder le Facebook de Nantes Roller ou le forum, parce que dès qu'on peut, on reprend les randos. Voilà. Ouais, je vais mettre tous les liens donc du Facebook et du forum dans les notes de l'émission. Ça marche. Voilà. Et puis si vous passez sur Nantes, hein, n'hésitez pas un jeudi soir à venir faire du roller. J'en ai croisé plusieurs, hein, des personnes qui se trouvaient sur Nantes un jeudi soir, et ils se sont dit je vais prendre mes rollers, et ils sont venus faire la rando juste une fois. Et ça, c'était une bonne idée. Ouais, et c'était une très bonne idée. Hein, ouais. 20h30 tous les jeudis soirs, au pied de l'Hôtel Dieu, au skatepark. Voilà. L'Hôtel Dieu, le gros hôpital de Nantes. Voilà. En plein centre-ville. Place Alexandre, entre les cordeaux. Voilà. Très bien. Donc, Denis, à toi le mot de la fin. Pardon ? Denis, rien à toi le mot de la fin. Merci Philippe pour ce podcast, cette invitation. Merci d'avoir répondu présent. Et donc, si je vais pouvoir enfin conclure... Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast, parce que pour le moment je recrute des animateurs comme moi qui voudraient interviewer d'autres personnes ou faire des chroniques. Si vous avez un sport de roller à présenter et vous voulez en parler tous les mois, moi je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook de Balado Roller ou sur le forum du site Roller en ligne, parce que normalement mes épisodes devraient être sur le site de Roller en ligne, mais on a des petits problèmes techniques, donc ils ne le sont pas encore. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode, et puis parlez de ce podcast à vos amis, faites-les écouter de force vos épisodes préférés, et puis s'ils sont pas contents, vous mettez encore plus fort, comme ça ils se tairont, ils écouteront. Voilà, c'était Balade au Roller, le podcast de Roller en ligne, à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.